sera mensa pa fini. Yon sel maman, yon sel fini. La pe voye wosh la kache men. Tout voisin a sezi. Malè deja fè tout moun flou nan se maman pas konen. Histoire te ramène sa papiti. Yon sel maman, yon sel piti. La pe voye wosh la kache men. Tout voisin a sezi. Malè deja fè tout moun flou nan se maman pas konen. Sa vin genye de sou twa mwa. Maman dwe maki la balansi. Maman di tombe san kondesans. Tout moun flou nan se voye. L'hôpital tout ekouraje. Le sa vin genye de sou twa mwa. Maman dwe maki la balansi. Maman di tombe san kondesans. Tout moun flou nan se voye. L'hôpital tout ekouraje. Lise la de quel tout j'en ai rien. Lève la virée de la l'équité. Li tombe sous que yon petit petit qui petit maman. Pour te voir côté sa débitrice. Lise la de quel tout j'en ai rien. Lève la virée de la l'équité. Li tombe sous que yon petit petit qui petit maman.